Chapitre 9e. Les diverses demandes formulées par Vibert lui furent sans doute accordées, car on lisait le lendemain la note suivante dans la Gazette des Tribunaux. Monsieur Albert S., que nous annoncions hier être compromis dans l'assassinat de la rue de la Paix et contre lequel un mandat d'arrêt avait été lancé, a été mis presque immédiatement en liberté après un interrogatoire qui n'a laissé subsister aucune charge contre lui. Du reste, d'après les renseignements particuliers qui nous sont communiqués, la justice est maintenant fixée au sujet de cette mystérieuse affaire et le véritable coupable, qu'on sait avoir fui à l'étranger, ne tardant pas à être découvert et à nous être livré, l'extradition étant toujours facile à obtenir lorsqu'il s'agit d'un assassin. Nos lecteurs peuvent être persuadés que nous les tiendrons au courant de toutes les nouvelles qui nous parviendront lorsqu'elles ne seront pas de nature à entraver l'action de la justice. On crut à la sincérité de cette note, et les journaux de l'opposition, n'oublions pas que nous sommes à la veille de la révolution de février, ne laissèrent pas échapper une si belle occasion de faire un peu de morale au gouvernement. Ils s'apitoyèrent sur le sort de Savary et le présentèrent comme une triste victime d'une nouvelle erreur judiciaire. À Paris, les moindres événements prennent parfois des proportions gigantesques. Comme on sait que demain on n'en parlera plus, on s'empresse de les grossir aujourd'hui. Pendant une semaine, Savary devint un personnage politique, un martyr. On le plaignit pour ses 48 heures de prévention comme s'il s'était agi de 20 années passées au bagne, peu s'en fallut qu'on le comparât à Le Surc. Le journal Le National profita même de la circonstance pour lancer un article fantaisiste qui produisit une vive sensation. Parmi toutes les pièces de cette affaire, nous avons cet article sous les yeux et nous le reproduisons textuellement. Ainsi, un citoyen est tranquillement chez lui, les pieds sur ses chenets. Il songe aux affaires de la journée, à celles du lendemain. Tout à coup, on frappe brutalement à la porte, on envahit son domicile, on force son bureau, on lit ses papiers les plus secrets, on pénètre avec effraction dans sa vie la plus intime. Un monsieur en écharpe, assisté de personnages sinistres, préside à cette exécution. Et si le citoyen, dont la demeure est ainsi violée, demande les motifs de tant de rigueur, on lui répond que cela ne le regarde pas, qu'on n'a pas de compte à lui rendre, qu'il s'expliquera plus tard devant qui de droit. S'il se récrie, si le sang lui monte à la tête, et si, fort de son innocence, il ose résister au monsieur en écharpe, aussitôt, les hommes sinistres s'emparent de lui, le jettent dans un fiacre et lui mettent au besoin les menottes. « À la conciergerie ou à la force » disent-ils au cocher, et bientôt ils déposent, dans une salle hideuse, le prisonnier fou de rage et de douleur. Là, on le fouille, on vide ses poches, on inscrit ses noms et prénoms, et toujours, sans daigner lui donner la moindre explication, on le dirige vers un cabanon qui se referme sur lui. Il est au secret, mot terrible, chose plus terrible encore, cercueil de plomb qui se referme sur les vivants, instrument de torture destiné à affaiblir l'intelligence, à broyer l'âme, comme les tenailles et les brodequins servent à broyer le corps. Il reste 24 heures, souvent 48 heures, sans être interrogé. 48 heures, un siècle. Pendant ce siècle, il n'a vu personne. Il se demande s'il ne rêve pas, ou si, à la suite de quelques fièvres chaudes, il n'est pas à Bicêtre. Enfin, on vient le chercher. Des gendarmes l'escortent, il traverse de sombres couloirs, il gravit des escaliers tortueux, il se trouve en face d'un magistrat instructeur. « Monsieur, lui dit-on, vous êtes accusé d'avoir assassiné Monsieur X. »« Monsieur X, moi ? Quand l'ai-je assassiné ? Il y a 8 jours. Où ? Rue Dauphine, à Paris. » « Mais il y a 8 jours, monsieur, j'étais à Marseille, dans ma famille. Tout le monde peut l'attester. Je venais d'arriver lorsque j'étais arrêté par vos ordres. Mais alors pourquoi ? Comment ? Il y aurait un alibi ? Vous pourriez le prouver ? Pourquoi ne le disiez-vous pas plus tôt ? Plus tôt à qui ? M'a-t-on interrogé ? On m'a incarcéré, voilà tout. Monsieur, si vous dites vrai, on ne tardera pas à vous rendre votre liberté. Vous ne ferez que me rendre ce qui m'est dû. Mais que me donnerez-vous avec ? Comment ? Oui. Qui est-ce qui m'indemnisera des tortures que je vais éprouver, de la déconsidération qui a rejailli sur moi, de l'affaire que j'allais conclure et que vous m'avez fait manquer, et mes enfants, qui ont traîné en prison leur père et ma vieille mère, que la moindre émotion peut tuer, et qui est morte sans doute maintenant. Que pensez-vous de tout cela, monsieur ? Croyez-vous être quitte envers moi en me disant « Nous nous sommes trompés, vous pouvez retourner chez vous ». Monsieur, on vous croyait coupable. Il y avait des preuves contre vous. On agit comme on doit agir. Non, monsieur. Au lieu de lancer contre moi un mandat d'arrêt, il fallait vous borner à m'envoyer un mandat de comparution. Et si, vous sentant coupable, effrayé, déçu de cette affaire, vous aviez tenté de fuir? Alors on m'aurait arrêté, et c'était justice. On oublie trop en France qu'un prévenu n'est pas un coupable, qu'on lui doit des égards, et qu'au lieu de le traîner devant un magistrat, le magistrat devrait l'interroger à son domicile, et ne le faire arrêter s'il y a lieu qu'après l'interrogatoire. Monsieur, nous procédons souvent ainsi. Monsieur, vous devriez procéder toujours ainsi. Tous ces articles faisaient le bonheur de Vibert. Savary, se disait-il, ne pourra jamais s'imaginer qu'il inspire encore des soupçons et qu'on le surveille. Il sortira de sa réserve, il commettra quelques fautes et je le pincerai. Alors le nouvel agent de police souriait, passait sa langue sur ses lèvres et se frottait les mains.